chaud dans l'espace sur Skyou. Il fait chaud dans l'espace sur Skyou. Il fait chaud dans l'espace sur Skyou. Il fait chaud dans l'espace sur Skyou. Sur Skyou, de la soupe au chou. Il fait chaud dans l'espace sur Skyou. Il y en a partout. Il fait chaud dans l'espace sur Skyou. De là-haut. Le glodé, le bombé nous garde de là-haut.